الله الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur des univers, qui a empli nos cœurs de joie. Nous témoignons qu'il n'y a de mieux qu'Allah avec certitude jusqu'à la fin du temps. Témoignons que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Nous le suivrons jusqu'au jour du jugement dernier. Allah a dit, le pèlerinage est une période déterminée où il n'y a pas de discussion. C'est le discours. Actuellement, nous vivons cette période du pèlerinage. Le pèlerinage est dans nos cœurs comme les autres piliers de l'islam. Le pèlerinage complète les quatre piliers, il en est le cinquième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans être allé au pèlerinage, il meurt en juif s'il veut, ou en chrétien comme il veut. Car celui qui en a les moyens et la santé est obligé d'y aller. Le pèlerinage est une obligation. C'est un rite d'Abraham. Abraham qui a appelé les gens au pèlerinage et leur rappelant que c'est une obligation divine. Allah lui dit, appelle-les au pèlerinage. Ils te viendront à pied et en monture de partout, de toutes les contrées lointaines pour invoquer Allah. Abraham dit, ô gens, Allah a construit une demeure. Visitez-la, allez-y en pèlerin. Cet appel atteint tous les pèlerins par la volonté de Dieu. Mais Satan est aux aguets. Il essaie d'être un obstacle entre l'humain et cette obligation. C'est lui qui souffle aux gens qui sont encore jeunes que le pèlerinage pourra attendre l'année prochaine, qu'on peut déférer à plus tard. Satan induit les gens en erreur. C'est lui qui leur dit de ne pas laisser leurs affaires, leur commerce et d'aller au pèlerinage. Mais les croyants résistent. Il y a certains ouvriers, certains salariés, par exemple, qui défèrent leur congé de fin d'année jusqu'à la période du ramadan pour y aller, jusqu'à la période du pèlerinage pour y aller. En fin de compte, la période de pèlerinage proprement dite n'est jamais d'une dizaine de trois jours. Le plus important est l'intention. Il faut s'adresser à Allah en disant qu'on a l'intention d'aller au pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un pèlerinage agréé, accepté, et mieux que la vie. Et il n'y a pas d'autre récompense pour le pèlerinage que le paradis. Pour un pèlerinage agréé, il faut éviter de prêcher ou de fauter dans la maison d'Allah. Il faut être maître de soi. Une fois dans les lieux saints, il faut être humble, modeste, puisque tu n'es là-bas que pour accomplir une obligation comme la prière ou le zakat. Là-bas, ce sont les lieux saints où la révélation a eu lieu. Allah a dit, le prophète a dit que Satan n'est jamais plus malheureux que le jour de Arafat, quand il voit des musulmans réunis pour le mont Arafat par millions, pour salat wa salam ala rasulillah, subhanahu wa ta'ala, et cetera.